J'ai cherché sur ma peau des souvenirs de toi. Retrouver l'empreinte de ta bouche et de tes doigts. Froisser ton foulard au parfum d'autrefois. Et tes lettres d'amour sur du papier de soie. J'ai gravé dans mon âme l'émotion de ta voix. Le jour où tu m'as dit je pars, ne me retiens pas. J'en ai passé des nuits à me demander pourquoi. Si la vie ou l'amour ne voulaient plus de moi. J'ai supplié le vent de me prendre dans ses bras, de m'emmener très loin, là où tu n'existes pas. J'ai suivi lentement ses pas qui m'ont soufflé sans fin pour savoir où tu vas. Souviens-toi d'où tu viens. Sur moi, j'ai senti ta chaleur et ta force qui va. Toi qui me souriais si beau dans cet éclat, j'ai compris dans mes larmes ce que tu me disais.